a sonné, t'as ouvert tes volets. À nouveau la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail, tu n'as pas le moral. Tu es tes fourmis, deviens cigale. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la musique. Même avec des larmes aux yeux, on chante et ça va mieux. Sans amour, les départs sans retour, pour tous les silences qui nous tournent autour. J'ai la bonne solution, simplement remplaçons notre envie de rien par une chanson. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche? Bonjour à tous les auditeurs auditrices de Radio Gemozo 107 FM. Vous nous suivez également sur le web www.radiogemozo.eu. Et coucou à tous les amis Facebook. Alors, bonjour le Québec, le Maroc, la Suisse et l'Italie. Bonjour Marc, ça va bien? Bonjour Gilles, très bien. Il fait un peu plus frisqué, hein? L'été indien est fini. Voilà, c'est bien. Vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. Je vous accompagne avec la plus belle musique jusqu'à 17h30 en direct. Pour cette émission, j'ai choisi de diffuser des nouveautés, des coups de cœur. Donc n'hésitez pas à nous laisser des messages sur la page Facebook de notre radio et sur la page Gilles Mougel officielle. Donc je fais un petit bisou à toute mon équipe. Je vous attends bien sûr pour un petit coucou en direct à l'antenne au 03 29 62 40 40. Voilà, on va commencer par une première chanson. Donc Christian Vidal avec ce titre Angélique, je vous en reparle après. Le temps s'étire et je m'ennuie, Angélique. Mais entre tes bras, rien n'est pareil, il fait soleil, Angélique. Pour tes yeux, quand tu me souris, quand tu me souris, pour les tu dis tout bas, pour ta main qui se tend vers moi. Je te dis merci, encore merci. Mon bonheur, c'est toi. Jour après jour et pour toujours, Angélique. Mon bonheur, c'est toi. Nuit après nuit et pour la vie, Angélique. temps s'étire et je m'ennuie, Angélica. Mais entre tes bras, rien n'est pareil au bel soleil, Angélica. Angélica. Christian Vidal, un retour dans les années 70, 1973 plus exactement. Pourquoi ce choix ? Parce que j'aurai donc le plaisir de recevoir Christian Vidal le jeudi 1er novembre. Christian viendra en live dans nos studios. Voilà. Alors on va écouter maintenant une nouvelle chanson de Anaïs et Fabien. Ça c'est une exclusivité qu'ils nous offrent pour notre radio. C'est une chanson toute fraîche. Je les embrasse s'ils m'écoutent. Alors ce titre, Je ne veux pas rentrer ce soir. Je ne veux pas rentrer ce soir. Restons là jusqu'au petit jour. Je pourrais prendre ma guitare et je te parlerai d'amour. Je ne veux pas rentrer ce soir. Je ne veux pas te voir partir. Nous ferons de ce premier soir le plus beau de nos souvenirs. On ne rentrera pas ce soir. On a tant de choses à se dire. On aura des milliers d'étoiles à mettre dans notre valise. On n'emportera rien ce soir. Ce sera juste toi et moi. On ne rentrera pas ce soir. Je ne veux pas rentrer ce soir. Il fait si bon, tu es si belle. On pourrait dîner quelque part à la lueur d'une chandelle. Je ne veux pas rentrer ce soir. Je veux pouvoir t'ouvrir mon cœur, te dire ce que je n'ose pas. Ce soir je le ferai pour toi. On ne rentrera pas ce soir. On a tant de choses à se dire. On aura des milliers d'étoiles à mettre dans notre valise. On n'emportera rien ce soir. Ce sera juste toi et moi. On ne rentrera pas ce soir. On ne rentrera pas ce soir. On a tant de choses à se dire. On aura des milliers d'étoiles à mettre dans notre valise. On n'emportera rien ce soir. Ce sera juste toi et moi. On ne rentrera pas ce soir. Je ne veux pas rentrer ce soir. Voilà. Alors merci à vous deux pour l'exclusivité et puis je vous fais des gros bisous. Alors maintenant, on va retrouver Johnny Hallyday avec un premier extrait de son dernier album, son album posthume. Quoi, je veux dire, c'était un record de vente, 300 000 albums qui se sont écoulés en une journée. C'est énorme. Alors on écoute Mon pays, c'est l'amour. Je viens d'un pays où j'ai choisi de naître, un bout de paradis que tu connais peut-être. Je viens d'un endroit sans drapeau ni frontière, une terre sans loi où personne ne se plaît. Mon pays, c'est l'amour. Mon pays, c'est l'amour. Je suis né dans ses bras en même temps que toi. J'ai grandi sous ses doigts en même temps que toi. Rock'n'roll, là. Ouais, voilà, donc Johnny nous a fait un bel album, malheureusement, avant de nous quitter. Voilà, un retour un petit peu aux sources, je dirais, avec des chansons plus rock'n'roll, chansons blues. C'est vrai qu'il y a des beaux titres dessus, on en écoutera encore un ou deux tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, Didier Barbelivien, avec ce titre, Sauver les guitares. Toi qui as rayé Blondonne Blonde, tellement tu l'as écouté, qui rêvait de courir le monde, sac à dos et jean délavé, à cause de Blowing in the Wind, de Mr. Tambourine Man, d'une Gibson en vitrine, d'une vieille photo d'Eddie Cochran, rend hommage à Bruce Springsteen, d'avoir relevé l'étendard, à Clapton sur sa Martine, d'avoir gardé en mémoire les solos de Chuck Berry, les accords de Keith Richards, la rock attitude de Johnny, au plus fort de la bagarre. Sauver les guitares, sauver les guitares, sauver les guitares, oh oui. Sauver les guitares. manger ses cordes de fureur. Les sirènes de la police couvrir la voix des rockers. Toi qui as connu l'île de Wight, toi qui as traîné dans Woodstock, ta Fender de 64 sonne la fin d'une époque. Sauvez les guitares, sauvez les guitares, sauvez les guitares. Souviens-toi de Bruce Springsteen, sauver les guitares, de Clapton sur Saint-Martin, sauver les guitares, des solos de Chuck Berry, sauver les guitares, toi qui as vu Jimi Hendrix, sauver les guitares, les accords de Keith Richards, sauver les guitares, la rock attitude de Johnny, sauver les guitares. Voilà, Didier Barbolivien, c'est un extrait de son dernier album, créateur de chansons, voilà, un grand artiste Didier Barbolivien, voilà. Alors je fais un petit coucou à Mado, donc ma collègue animatrice de Radio Puis Haleine. Alors Mado, moi je sais que tu m'écoutes, voilà, bah tu sais que j'ai vu Mimi hier, alors je lui ai passé le bonjour de ta part, je lui ai fait les bisous de ta part, alors il m'a dit de te refaire des bisous, voilà, à moins qu'il m'a encore grillé puis qu'il t'ait téléphoné avant. Bon, voilà. Alors, nous allons repartir dans un domaine un petit peu plus romantique, là, avec, ben justement, avec Bruno Djaran. Donc ça, c'est un artiste que Mado m'a fait découvrir. Et l'on écoute L'amour aujourd'hui. C'est comme ça l'amour aujourd'hui. Les premières fois ne sont plus pour la vie. On rit, on tombe, on pleure chaque fois. Se relève en portant sa croix. Tu vois, c'est ça l'amour aujourd'hui. Chacun de nous raconte son histoire. Les heures passent sans s'en apercevoir. Tu ne veux plus aimer, j'ai compris. Je ne serai que l'homme d'une nuit. Fini l'amour pour toi aujourd'hui. Les faux amours maquillés par les roses. D'autres l'ont joué, mais moi c'est autre chose. Je sens que tu as peur et pourtant nous ne sommes plus des enfants. N'aie pas peur de l'amour aujourd'hui. Je te regarde partir dans le soir. Tu te tourmentes et moi je garde espoir. Qu'un jour, peut-être même cette nuit, tu reviennes vers moi, tu me dis, je ressens de l'amour aujourd'hui. Comment savoir que tu n'es pas comme eux? Je le vois au plus profond de toi. Alors suis-moi. Ah, ah, ah. Ah. premières fois ne sont plus pour la vie. On tombe, on aime encore une fois. Aujourd'hui, tu es dans mes bras. Tu vois, c'est ça l'amour aujourd'hui. Voilà, un beau slow de Bruno Djaran. Alors, je crois que nous avons quelqu'un au téléphone, hein, c'est ça, oui. Bonjour. Bonjour, mon cher collègue. Ah, bonjour, ma chère collègue. Comment tu vas? Eh bien, je vais bien en écoutant la belle musique que tu passes. Alors, je me suis dit, je vais lui faire un petit coucou parce que j'ai entendu le message pour Mimi. C'est gentil, bah oui. Alors, ben, c'est que du bonheur d'avoir des artistes comme ça. Bien sûr. Tu viens Bruno, tu viens de passer l'album de Johnny. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on reste dans la chanson française. Et puis, ben, c'est un besoin d'entendre ces chansons-là. Ben, bien sûr, voilà. On était parti avec du rock, avec Johnny. Puis après, on revient avec des chansons romantiques. Et puis après, on va rechanger un petit peu, tu vois. Et puis voilà. Ouais, on a des bons artistes quand même. Ah, oui, tout à fait, ouais. Alors, Bruno, c'est vrai, j'avais découvert. Ben, tu me l'avais fait découvrir. Enfin, tu me l'as fait découvrir. Hein, donc, voilà. Pareil. Oui, il est bien aussi. Donc la chanson qu'on vient d'entendre, l'amour aujourd'hui, en fait, c'est une reprise. Hein. Oui, tout à c'est fait. Une reprise de Dingo Vito Rocco. Oui. Avec ce titre Tentation. Et je trouve que parce que Bruno, par rapport à son premier album, ouais. La voix a changé. D'accord. Et je trouve le deuxième album, il y a des si on ne connaît pas Bruno, tu ne reconnais pas sa voix. D'accord. Mais c'est plus, je vais dire, c'est plus posé. C'est je lui ai dit, hein, il m'a dit que j'étais pas la seule à l'avoir découvert. Oui. Et la voix a changé. Je trouve qu'il a une voix mélodieuse, il a une belle voix là. C'est vrai que. Moi j'aime bien cette version là. Bon, je connaissais la version de Quinto Rocco là, mais j'aime bien cette version là. Et puis il y en a d'autres, hein, bien sûr. Quoi. Voilà, Bruno, je l'ai en tête d'affiche pour ma soirée le 10 novembre. D'accord, ouais. Sur un air de romance. Pourquoi pas. Mais oui, sur un air de romance. On est des romantiques, hein, nous. Ah là là, on est des romantiques. Alors bon, donc j'ai vu Mimi hier, hein. Alors, il va bien, mon Mimi? Ah oui, il va bien. Donc, je lui ai transmis des bisous de ta part. Oui. Elle m'a dit, tu retransmettras aussi à Mado. Alors, juste une petite anecdote, c'était sympa, parce qu'on a fait une petite photo tous les deux. Je ne sais pas si tu l'as vu sur Facebook. Oui, j'ai mis un j'aime. Et puis oui. Alors, j'ai été pas mal inondé de petits messages sur Facebook, mais je n'ai pas pu répondre à tous, parce que bon, il y avait eu aussi un grand bonheur dans la famille, enfin, voilà. Ton fils, là, j'ai vu, oui. Oui, pour mon fils. Ah ouais, félicitations et bravo. Oui, donc j'ai mon fils, voilà, qui a eu son mof. C'est beaucoup de bonheur, comme tu dis. C'est beaucoup vrai. De bonheur, d'émotion et puis de fierté. Quelque part, il y a la fierté et puis il y a la récompense de ce qu'on leur a apporté. Voilà, oui, tout à fait, c'est vrai aussi, oui. Ça, c'est, oui. Et puis ils en sont très reconnaissants, je sais que... Ah, c'est bien. Donc oui, alors pour cette photo, ben Bruno, ça y est, je suis. La prochaine fois, Bruno, certainement. Ouais, donc Michel a été voir une jeune dame qui nous a pris en photo, tu vois. Sympa, oui. Puis Bruno, il était, je vais y arriver. Moi, je suis perturbé aujourd'hui. Michel est très grand. Oui, et toi, t'es petit. Alors, moi, je suis petit. Alors, la dame, tu sais, elle a pris l'appareil et puis elle essayait de. Oui, oh, c'était rigolo. Voilà quoi. Ben, donc voilà. Puis je suis resté là. J'ai écouté Michel qui a fait sa chanson. Il a fait un beau Madison. Il a ressorti une belle chanson, un beau Madison. Ah oui. Voilà. Donc et puis il y avait plein de monde. Il y avait la télé, tu vois, vos télévisions, tout ça. Donc c'était super. On a fait un petit enregistrement sur un enregistreur portable. Voilà. Ah oui. Donc avec Michel, je me suis pas trop mal débrouillé, mais le reste, c'est pas terrible. Et Marc il rigole parce que non mais j'avais oublié de bon c'est que la deuxième fois que je fais ça avec un enregistreur comme ça à l'extérieur et j'avais oublié de tourner un petit bouton, j'avais trop de enfin bon voilà, non mais c'était sympa et puis ça a permis de nous voir, de parler un petit peu, bien sûr. Oui, parce que je l'ai eu lundi au téléphone, lundi matin, lundi soir, Et puis donc, elle me dit, devine où je vais demain. Alors, je lui dis, je sais pas, t'es sur Paris, parce qu'il est souvent sur Paris. Oui. Non, elle me dit, je vais dans les bois. Je lui dis, figure-toi que moi, j'ai très envie d'y aller la semaine prochaine, mais bon, comme je suis en train de tout chambouler à la maison, je sais pas si je vais y aller. Et il me dit, ah bon, tu devais. Je lui dis, oui, je voulais y aller la semaine prochaine. En plus, je lui dis que bah, tu recevais Christian Vidal. Oui. Et là, il me dit, ah oui, alors je lui dis, bon, maintenant, faut qu'on bloque une date, nous, moi, pour mes prochaines soirées. Donc, ouais. On a bloqué le 6 avril 2019. D'accord. Okay, alors, je sais pas si tu pourras venir au moins une fois dans mes soirées quand même. Et puis, je viendrai, Mado, je te l'ai promis, je viendrai. Tu fais pour... un bus, hein, tu fais un bus des Vosges. Pour, pour une soirée et puis pour faire une émission avec toi aussi sur Radio Plus Arène. Puisque je voudrais bien, parce que, à titre de revanche, hein, à titre de revanche. Quand tu seras pas venu, je reviendrai pas. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais tu viens quand même souvent dans les Vosges quand même. Ah, oui, j'irai de plus en plus souvent, je te le confirme. D'accord. J'irai de plus en plus souvent parce que j'adore les Vosges et puis c'est une belle région. Bien sûr. C'est vrai que ça fait pas trop loin en fait, parce que bon, moi je suis pas quelqu'un qui aime le soleil, donc je vais pas courir dans le sud, et j'ai toujours été attiré par la montagne. Mmh, et, oui. C'est vrai que les Vosges ça fait pas de loin. J'ai quoi, j'ai 5 heures de route, on va dire. Ça roule bien, la route est belle. Ouais. Et c'est vrai que tous les artistes que j'ai vus hier, enfin j'ai bon Michel, j'ai vu Stone et Mario, tu sais, Stone de Chardin, quoi, enfin Stone et Mario, puis des accordéonistes qui étaient là, donc on en parle un petit peu du paysage, tout ça, ils disent tout ça, ouais, les Vosges, c'est beau. Ah c'est beau, moi j'ai découvert. C'est vrai, je connaissais pas trop, j'ai découvert là, c'est où j'y suis allé 2-3 fois, et franchement. Mais bon, c'est sûr que là, bon, maintenant, ça devient un petit peu plus, moins ensoleillé. Bon, bah, c'est normal maintenant. On a eu quand même une belle arrière-saison. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, nous, on va pas se perdre. Soleil, mais ils annoncent du froid pour la fin de semaine. Oui, bah, chez nous aussi, c'est pareil. Ils annoncent aussi de la neige. J'ai vu ça sur la météo. Donc, voilà, on va se réchauffer avec nos belles chansons, Mado. Hein? Bien sûr. Bon, je vais pas monopoliser l'antenne. Je fais des gros bisous à Lynn, qui, je pense, nous écoute. Oh, oui, je pense que Lynn doit nous écouter. Puis, oui. Des gros bisous à tous les auditeurs de Radio Guémozo. D'accord. Je te souhaite une bonne émission et je continue à t'écouter et à très bientôt. Merci Mado. Bisous, allô, gros bisous. Merci ton appel. À bientôt. Bisous, bisous. À bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà. Donc voilà, on va revenir sur notre programme musical. Alors après donc Bruno, un jeune artiste. Qui vient de la, comment je dirais, c'est la production Kif Musique. D'ailleurs, je profite pour remercier Jean-Pierre Portier pour l'envoi des CD promo. Voilà, je lui fais un petit coucou. Ma foi, je ne sais pas s'il écoute, mais ça sera de toute façon voilà, en podcast. Alors, ce jeune artiste s'appelle Michael et il chante « Où sont les slow ?» Des jukebox à gogo, dis-moi où sont les slow qu'on jouait à la radio, le vieux Fats Domino. Moi j'étais qu'un minot, mais je me disais c'est beau, ces accords de piano. Où sont les slow? Fais-moi voir la photo. Ça c'était Fontainebleau, le garage de Fredo. Je reconnais la sono. C'est vrai que ça fait rétro. La guitare en solo. Dis-moi, où sont passés les slow qu'on a dansé, les mots que j'ai chantés pour toi. Dis-moi, où s'est noyé la d'un soir d'été, je n'ai rien oublié, tu vois. Où sont les slow des booms de la colo? Je demande où sont les slow avec Sophie Marceau, Procola Omanco, la couleur Mentalo. Souvent on en faisait trop, mais qu'est-ce que c'était chaud. Où sont les slow des balades en bateau? Dis-moi où sont les slow des virées en moto. Il s'appelait Rico, le patron du bistrot. Ils reviennent dans mon dos, les ricochets dans l'eau. Dis-moi, où sont passés les sauts qu'on a dansé, les mots que j'ai chantés pour toi. Dis-moi, où s'est noyé l'amour d'un soir d'été. Je n'ai rien oublié, tu vois. Dis-moi, où sont passés les sauts qu'on a dansés après toutes ces années. Dis-moi, fais-moi encore rêver le temps d'un seul été. Je n'ai rien oublié de toi. Où sont les slows? Où sont les slows? C'est bien vrai ça. Où sont les slows? Il n'y a plus de slows maintenant. Voilà, bon, une belle chanson de Michael. Alors voilà, je vais vous faire découvrir un autre artiste que j'aurai le plaisir de recevoir le 22 novembre en live dans nos studios. Oh, mais pour cette fin d'année, j'ai pas mal d'artistes en live. C'est bien. Donc, il s'appelle Philippe Savana. Philippe Savana travaille avec Thierry Brenner, qui est auteur. Thierry, je lui fais un petit coucou, je l'embrasse s'il est à l'écoute. Et puis Philippe, bien sûr aussi. Donc, c'est un album tout frais qui vient de sortir, qui s'intitule Entre nous. Et on écoute cet extrait que je n'ai pas noté. Danser dans ma vie. Merci Marc. Alors on écoute. Rêve d'un paradis plein d'étoiles. La plus belle plage de sable au soleil. Rêve, n'arrête pas de rêver. Rêve, demain on peut s'en aller, toi et moi, tout quitter. Par amour, mon amour, viens. Je t'emmène danser dans ma vie. On va s'éclater, c'est promis. Comme deux enfants qui n'ont plus peur de rien. Et allez, viens. Je t'emmène danser dans ma vie. On va s'inventer, c'est promis. Un paradis main dans la main. Rêve et garde les yeux grands ouverts. Rêve, ton voyage on va le faire, toi et moi. Rêve, n'arrête pas de rêver. Rêve, tout ce qu'on peut imaginer, tous les deux, amoureux. S'éclater, c'est promis. Comme deux enfants qui n'ont plus peur de rien. Et allez, viens. Je t'emmène danser dans ma vie. On va s'inventer, ma chérie, un paradis main dans la main. Shit. Philippe Savana, Danser dans ma vie. Voilà, alors soyez à l'écoute le 22 novembre. Hein, puis pourquoi pas, même en dehors des portes ouvertes, vous pouvez nous faire venir faire un petit coucou. Hein, s'il y a deux, trois personnes voilà, qui sont intéressées, ça peut être sympa. Je voulais faire un petit coucou aussi à mon amie Cathy, donc une amie d'enfance. Voilà, Cathy, si des fois tu m'écoutes, je te fais des bisous. Alors, nous allons passer maintenant, on va partir du côté de l'Espagne. Donc avec une autre artiste que produit Jean-Pierre Savelli, dit Peter, que nous avions reçu en Fauneur il n'y a pas très longtemps. Donc elle s'appelle Sabelita, elle nous chante Cumbia Te Quiero. Por favor, dame cumbia, tanto la quiero con amor, que bailando con alegría, si se cambia la lluvia en sol, paseando por los caminos, me di cuenta cuánto se ve, que la cumbia la más bonita, nadie la puede comprender, que la cumbia la más bonita, nadie la puede comprender. Sentir el amor que nace del ritmo caliente, vuélvete y tendrás calor. Mírame bailando esta cumbia y verás toda la pasión que me dan los ritmos latinos con el sonido de tu voz. Que me dan los ritmos latinos con el sonido de tu voz. Cumbia te quiero y bailar sin ti yo me muero. Que el amor del baile se pierde. Vamos todos a bailar. Se pierde, vamos a bailar. Hey. Mírame cuando bailas, mírame. Baila, baila. Ámame cuando bailas, ámame. Oh. Quiéreme cuando bailas, quiéreme. Que del baile nace la pasión. ¡Epa! Cumbia te quiero y de bailar sin ti yo me muero. Que el amor del baile se pierde. Vamos todos a bailar sin ti yo me muero, que el amor del baile se pierde, vamos a bailar. Vous êtes sur le 107FM Radio Guémozo, les années bonheur avec Gilou. Voilà, on vient d'écouter Sabelita. Alors j'aime bien, moi ça, on est parti un petit peu du côté de l'Espagne. Voilà, puis de toute façon, tout à l'heure, on va partir un petit peu du côté de l'Allemagne aussi. Voilà, on voyage un petit peu, voilà, à travers toutes ces chansons. Là, on retrouve donc Elvis Presley sur un album qui a été réédité, avec un titre dont sa fille Lisa Marie fait un duo virtuel. Alors je vais m'appliquer pour le titre en anglais. Where no one stand alone. Belle chanson de Elvis avec sa fille Lisa Marie. Alors on va retrouver un groupe, je voulais vous faire découvrir un groupe qui passe sur des radios nationales, intitulé Trois Cafés Gourmands. Donc trois artistes, et c'est la révélation cette rentrée. En moins de deux mois, c'est un véritable raz-de-marée qui a submergé l'Hexagone. Leur nouvel album rempli de tubes gourmands. Et on écoute un extrait de cet album qui s'intitule « À nos souvenirs ». Puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur.

sauver l'amour, sauver l'envie une dernière fois. Si je tremble, si je n'ai plus peur des adieux, si je tombe, dis-moi qu'aurais-je pu faire de mieux. Si le monde n'a de reflet que dans tes yeux, et si je tombe, oui, dis-moi. Voilà, Johnny Hallyday, pardonne-moi, une très belle chanson. Voilà, et une grande voix. Je sais pas, ça tremblait dans le studio, là. Un petit peu. On se demande ce qui se passe. C'est des signes, ça. C'est des signes. Alors, on va retrouver un autre artiste de Jean-Pierre Savelli. Il s'appelle Olivier Beretta. Et il nous chante Tourner la tête. À peine réveillé, je la vois tout près de moi. Le soleil peut rester voilé. Pour moi, son regard a mis l'éclat. Oh, j'ai envie de chanter, de rire, mais sans me demander pourquoi. Ah ah, oh, je flash devant son sourire. Olivier Beretta, Tournez la tête. Alors, pour faire plaisir à nos amis suisses de Belgique, la région Alsace aussi, parce que, bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup, beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, mais je sais qu'on est écoutés là-bas. Et pour me faire plaisir à moi aussi, là, on va partir dans la variété allemande, avec un artiste qui est bien connu là-bas en Allemagne, Andy Borg, qui nous chante Am Weißen Strand von San Angelo. Oh, je suis bon en allemand! Ich ging mit dir hinunter zum Strand. Du schaust mich an, ich nahm deine Hand. Wir kannten den Weg und sprachen kein Wort. Und all die anderen, die waren weit fort. In deinen Haaren leuchtet die Sonne, Feuer, das mich verbrennt. Und was wir schworen, wir waren verloren. Wir wussten, es gibt kein Zurück. Am weißen Strand von San Angelo, da sagtest du mir, ich lieb dich so. Im heißen Sand von San Angelo erwachten wir erst im Morgenrot. Ein Märchen wurde wahr für dich und mich heute Nacht. Der Wind und die Wellen, wir hören sie nicht. Ich seh die Tränen in deinem Gesicht. Es quält uns die Frage, warum muss es so sein? Heute zusammen und morgen allein. Ich komme bald wieder, das sagt man so oft. Vieles, was man verspricht. Und was wir abschwören, wir werden verlieren. Denn Träume erfüllen sich nicht. Am weißen Strand von San Angelo, da sagtest du mir, ich lieb dich so. Im heißen Sand von San Angelo erwachten wir erst im Morgenrot. Ein Märchen wurde wahr für dich und mich heute Nacht. Am weißen Strand von San Angelo, erwachten wir erst im Morgenrot. Ein Märchen wurde wahr für dich und mich heute Nacht. Am weißen Strand von San Angelo, da sagtest du mir, ich lieb dich so. Im heißen Sand von San Angelo. Voilà, Andy Borg. Alors non seulement je prononce bien l'allemand, mais je peux vous le traduire aussi. Alors ce titre, c'est Sur la plage blanche de San Angelo. Bon, c'était pas trop difficile. Et c'est une reprise, Franck Michael l'avait chanté aussi en français, donc à San Angelo. Voilà. Alors là, on va retrouver un artiste. On l'a encore pas entendu sur nos ondes aussi, peut-être il y a une quinzaine de jours, je sais plus. Je crois que je l'avais diffusé, je sais plus. Ça passe tellement vite. Donc Rino Lombardi, que je recevrai aussi en live le 8 novembre. Oh, il y a du boulot en perspective. Donc, qui viendra nous voir, il vient de la région d'Alsace, Rino, artiste très sympathique. Et là, il nous interprète. Écoutez bien, nos 20 ans. Thank you. pensée. Au temps qui s'est enfui, que c'est bon d'aimer la vie. Tant pis si tout ne va pas aussi vite qu'avant. Tant pis si l'on voit s'en aller tous nos enfants. Tant pis si elle nous semble vide la maison. Tant pis si aujourd'hui sont si loin nos 20 ans. S'est enfui. Nos 20 ans, oh, ils sont où nos 20 ans? Voilà, me dit Danny qui écoute. Je lui fais un petit bisou, Danny. Voilà, merci d'être fidèle à l'émission, bien sûr. voilà, on va retrouver une artiste encore que je recevrai là le 29 novembre par téléphone, là cette fois, qui s'appelle Cathy Varna. Elle nous chante d'une seule voix. C'est un hymne à la paix. D'une seule voix, en un pays, l'amour pour seule bannière, tous en paix, d'une seule voix, pour une vie sans frontières. La paix vole en mille éclats entre terreur et violence. La guerre au bout des doigts, c'est l'horreur qui avance. C'est dans l'écho du passé qu'on trouve la souffrance. Des femmes, enfants violés dans les rues du silence. Plus de cris dans la passion, s'aimer dans le respect. Plus de haine, nos religions seront fraternité. L'éternel pleure jusqu'au sang quand s'entretuent les enfants. de ces hommes sans couleur, d'un monde qui se meurt, d'une seule voix. Voilà, belle parole, belle chanson de Cathy Varna. Alors on va retrouver Vincent Niclot avec un nouvel album. Il revient à ses premiers amours avec un album concept Tango, dans lequel il fait la part belle à l'esthétisme et à la puissance vocale. On écoute Kissas, Kissas, Kissas. Siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Voilà, Vincent Niclot. Alors c'est un programme très éclectique hein, que je vous offre après-midi, voilà, avec des chansons romantiques, du rock. On est passé par l'Espagne, par l'Allemagne. Alors voilà, là on va écouter Jean-Pierre Savelli. Donc je vous ai fait écouter tout à l'heure des artistes avec qui il travaille et qu'il produit. Et donc Jean-Pierre était, je l'avais reçu en phoneur, et on va écouter cette chanson L'hiver en juillet. Mmh.

les discours qui me rendent, qui m'entaillent, qui menacent. Mon pauvre amour, ma faible audace. Et si j'osais, et si j'osais. Si fragile, j'aurais conquis ton amour, mon amant. J'aurais fait tout cela et bien plus encore. Je t'aurais dit je t'aime jusqu'aux aurores. Voilà, les frangines à suivre. C'est des nouveautés. Alors, on va réécouter une autre chanson de Johnny Hallyday. On va repartir dans le rock'n'roll. Donc avec ce titre, Made in Rock'n'Roll. C'est pas le temps qui va user ma carcasse. C'est pas le temps qui va user ma carcasse. Le temps il se lassera bien avant moi. Te barre pas, tu verras. C'est écrit sur ma peau, je suis made in rock'n'roll. C'est pas le vent des mauvais qui passe. Que c'est pas le vent des mauvais qui passe. Le vent il va tomber bien avant moi. Sur mon cœur, je suis made in rock'n'roll. Made in rock'n'roll. Made in rock'n'roll. Made in rock'n'roll. Made in rock'n'roll. Le temps, il se lassera bien avant moi. Te mords pas, tu verras. C'est écrit sur ma peau, je suis made in rock'n'roll. Qui me fera tenir en place. C'est pas l'argent qui me fera tenir en place. L'argent il s'épuisera bien avant moi. Te barre pas, tu verras. C'est écrit sur ma vie, je suis made in rock'n'roll. Voilà le rythme. Alors on va finir tout doucement. Tout doucement, oui, voilà, il est 17h23. On va réécouter une chanson donc de Christian Vidal que je recevrai bien sûr le 1er novembre. Cette chanson est intitulée Nathalie. Alors écoute, Mado, je pense que tu es toujours à l'écoute et je sais que tu aimes bien. Voilà, Mado, bah, c'est pour toi. Nathalie, on écoute. Nathalie, soirées d'été trop chaudes au lac de Garde. Les copains qui se jouaient, les musiciens. La radio nous diffusait son avant-garde. Et nos yeux trop fatigués le lendemain. Comme tu vois, non, je n'ai rien oublié de nos tendres années. If you just put your head on my shoulder, souviens-toi, on dansait Nathalie. Ces refrains mélodies que tu aimais chanter. Chanson d'amour de nos twenties. J'ai gardé dans le cœur quelques roses, un bouquet de bonheur Nathalie et des Champs-Élysées de Capri à Corfou. On avait rendez-vous. Si peu à peu le temps vient à gagner ses places, tes cheveux gardent l'éclat de tes 20 ans. Me retrouver sous ton regard que rien n'efface. Je me sens beau, je me sens jeune, tout comme avant. Comme toi, non, je n'ai rien oublié de nos tendres années. If you just put your head on ma chambre, souviens-toi, on dansait Nathalie. Ces refrains mélodies que tu aimais chanter. Chanson d'amour de nos twenties. J'ai gardé dans le cœur quelques roses, un bouquet de bonheur Nathalie et des Champs-Élysées de Capri à Corfou. On avait rendez-vous. J'ai gardé dans le cœur quelques roses, un bouquet de bonheur Nathalie, des photos du passé emportées loin de tout. Que reste-t-il de nous et des Champs-Élysées de Capri à Corfou? On avait rendez-vous. Christian Vidal, qui sera donc dans nos studios, je le rappelle, donc le jeudi 1er novembre, donc en live. Alors n'hésitez pas, si vous voulez venir nous faire un petit coucou dans le studio avec Christian Vidal, ça serait sympa. Voilà. Donc l'émission se termine, auditeurs, auditrices. N'oubliez pas l'heure des loups à 18h avec mon amie et collègue animatrice Lou, qui vous parlera. Alors le thème de l'émission, ça serait un photographe, Vincent Thierry. Voilà. Eh bien, je vous donne rendez-vous jeudi 1er novembre, voilà, avec Christian Vidal. Je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien. Bye bye, à bientôt. Merci Marc. Vous, la pluie s'est mise à tomber. Tu repars au travail. Tu n'as pas le moral. Tu es tes fourmis. Deviens cigare. Le meilleur moyen d'aimer la vie, c'est la musique. C'est bon quand elle joue comme aujourd'hui dans notre équipe. Qu'est-ce qui nous rapproche des jours heureux? C'est la musique. Chanter, ça va mieux. Pour les jours sans amour, les départs sans retour, pour tous les silences qui nous tournent autour, j'ai la